Didier, je suis physicien. J'ai une remarque quand même, parce que comme on a discuté sur les allocations de recherche, quand même je reviens dessus, c'est pas totalement séparé. Dans la mesure où effectivement il fut une époque où les allocations de recherche, au moins pour les disciplines que je connais moi, étaient attribuées au mérite à l'issue de ce qui s'appelait à l'époque les DEA, et où donc l'allocation de recherche était attribuée à l'individu. Et ça, par rapport au problème du face-à-face individualisé que tous les deux vous évoquiez, ça change fondamentalement le problème. C'est-à-dire, moi, doctorant, j'ai mon allocation de recherche. Toi, mon encadrant, c'est pas toi qui est le payeur. Et ça change fondamentalement les relations entre le doctorant et l'encadrant. C'est en train d'évoluer sérieusement via l'ANR qui donne des financements pour des allocations de recherche. Donc une bonne façon de résister, c'est de refuser systématiquement de payer des doctorants sur les contrats ANR et de lutter pour que le ministère continue à donner des allocations aux individus et pas aux laboratoires ou aux chefs de labo. Et pour revenir au point que tous les deux aussi vous évoquiez sur le face-à-face, la seule solution... On peut discuter, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, les états d'âme que chacun a. Il n'y a pas de morale, c'est des problèmes personnels compliqués, il y a des tas de situations. Moi j'aurais tendance à dire, de toute façon, il ne faut pas mettre en place un système qui va donner le pire. Et je suis désolé, mais il va donner le pire, le système. Parce que pour un exemple comme le tien, il y aura 10 connards qui feront bien. On est d'accord. Mais ceci étant dit, le système étant ce qu'il est, ce pourquoi il faut lutter, c'est pour maintenir des structures collectives de travail. Et que quand il y a des contrats, il y ait des overheads. C'est-à-dire de façon systématique, ton ERC, d'accord, elle est personnelle, mais ton laboratoire, l'UMR, sur cette somme-là, il perçoit un overhead. Ce qui implique le labo, d'une certaine façon certes détournée, mais ce qui implique le labo dans la gestion de ton contrat. Et du coup, quand toi tu embauches quelqu'un, parce qu'effectivement ce sera toujours toi, le labo, il sera toujours là pour dire, attention, il ne faut pas se dégager au moment où on fait des ANR et des ERC, des structures collectives. De ce point de vue-là... Développe ce que c'est les overheads, parce que je sais qu'en physique, il y a des débats, c'est beaucoup plus élevé qu'en sciences sociales. Le système américain est construit sur la recherche sur projet, financement sur projet via des agences de financement. Les institutions qui abritent les individus qui reçoivent ces contrats, que ce soit la National Science Foundation ou le National Institute of Health, donnent des sommes assez conséquentes. Et l'université qui abrite l'individu qui bénéficie d'un contrat prélève un montant sur ces contrats. Et c'est des montants qui sont énormes. Les overheads d'université du type Harvard, mais c'est plus de 30%, je ne sais plus les chiffres, mais c'est énorme. C'est-à-dire que tu reçois 1 million, tu en donnes 500 000 à ton université. Donc ce système d'overhead, c'est aussi une façon, dans la crise qu'on vit à l'heure actuelle chez nous, c'est aussi une façon d'essayer d'un peu atténuer le choc de l'individualisation des rapports. Sinon, la transformation en chef d'entreprise... On dit aussi précipite. On dit précipite, donc oui, précipite en France. Ouais, alors, je suis désolé, là c'est le côté science. Non, mais c'est très bien parce que justement, moi j'ai monté mon projet ERC en faisant appel au service partenariat SPV, service partenariat et valorisation du CNRS, parce qu'on m'a envoyé un machin que j'étais incapable, que je ne comprenais rien, en particulier les overheads. Et je n'ai toujours pas compris jusqu'à maintenant. La seule chose que je savais, et qui est toujours valable, c'est que le CNRS prélevait 10% de la somme. Donc ça, mais ce n'était pas les overheads. Moi, dans mon tableau, j'ai en plus une ligne qui est en dehors, qui est les overheads, et qui était que le CNRS m'a donné. Il y avait un montant qui était assez dérisoire. En revanche, je savais qu'il prélevait 10% de la somme. Pour préciser ma pensée, pour être très précis, moi ce que je souhaiterais, c'est pas simplement que le CNRS national prélève un overhead, c'est que ton labo prélève un overhead. Oui, j'ai bien compris. La structure dans laquelle tu travailles au quotidien et où les gens que tu vas... que ce soit là où qui est l'overhead. Parce que du coup, tu serais un petit peu... Tu vois, par rapport à tes collègues, d'abord, ça leur fait bénéficier de ton fric, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Puis du coup, ça te rend un petit peu plus... tu ne vas pas te comporter comme le grand capitaine d'industrie qui... Parce que les mecs, ils vont être là, ils vont regarder, quoi. Donc, du coup, les structures collectives, qui sont en danger, il faut vraiment les préserver.